bien aimé, l'argent dirige le monde entier. Tu travailles pour consommer, moutonner pour mieux crever. Société matérialiste, individualiste, les principales règles du satanisme. Ce qu'il faut, c'est un tuberois. Ce qu'il faut, dans ce monde de brut, c'est l'argent. Je sais ma bien-aimée, tu veux aller au ciné, voir ton film préféré, celui avec Johnny Depp. Seulement voilà, le sais-tu, je n'ai pas un sou en poche, et j'irai pas travailler, je ne toucherai pas à une coche. Je resterai à mon poste de travail, à rien foutre, c'est le secrétariat. Bois du café toute la journée, bois du café toute la journée, bois du café toute la journée, même pas le temps de se reposer. Ce qu'il faut, c'est de la bergamote. Ce qu'il faut, dans ce monde de brut, c'est l'argent. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.